We'll be right back.

sommeil d'amour dure encore. Sous les bosquets, l'aube évapore. L'odeur du soir fatigue. Et là-bas, dans l'immense chantier, le soleil désespéré. Voir des chemises, des charpentiers. C'est pas mal la voix. Qu'est-ce qui... Who sing? Ah ouais, c'est Pio. C'est Pio qui chante. go. I kiss the girl that I stand. I kiss the girl. This was never the way I planned. No. Je suis pas bon en anglais, moi. I kiss the girl, ok, ouais. Kiss the girl. Thank you. Thank you.